Target. Qui vas-tu appeler? La police. À ta grand-mère. On a pété la moule. Qui seul en est capable? Un bouilloule. J'ai pas peur de ça. Il ne pense qu'à se vider les boules. Sale bouillon. Il n'y a pas vraiment le choix. Pour qu'enfin il s'arrête. Il leur faut une balle dans la tête. Ah ah. Je n'ai pas peur de picot. Je n'ai pas peur des arbres. Avec ta casquette en lévitation. Putain, t'as vraiment l'air d'un melon. Quand ça sent un peu trou Larissa, qui vas-tu appeler?